Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie américaine sympathique. Richard Clayton a tout dans la vie. Une fiancée ravissante, des parents merveilleux et une carrière en pleine ascension. Une existence de rêve. Jusqu'à ce que son jaloux de frère lui apprenne qu'il a été adopté. En fait, fiston, tu as été adopté. Adopté ? J'arrive pas à croire que je vais rencontrer mes vrais parents. Franck merdeux. Et voici la boule de fromage. Il n'y a pas 5 minutes qu'on a retrouvé le gosse et tu lui aplatis les couilles avec ta saloperie de boule. C'est un alcoolique. J'ai entendu. À part ça, on a un problème de rapetissage. Rapetissement. Après 40 ans, on a tendance à rapetisser. On se voit au petit-déj. Rien sur cette terre n'est plus important que la famille. Ces personnes ne sont pas mes parents. Ce sont des contributeurs biologiques, oui, c'est vrai. Pourquoi tu les détestes à ce point? Parce qu'ils sont grossiers, vulgaires et envahissants. Fiston, vous avez bousillé ma vie. Sortez de ma maison, pas une minute de plus. Mon vrai père et moi, uniquement à la vidéo, une comédie avec Danny DeVito et Kathy Bates, un DVD Metropolitan.